J'suis pas comme les autres, j'suis capable. Dans ma ligne de mire, j'vais pas te rater. J't'emmène dans des eaux, tu peux pas nager. Plus de réseau, mode avion, voyage. Toi et moi, c'est un cocktail panaché. Explosif comme des montagnes. J'crois que t'as pas idée à quel point ça me donne de sales idées. T'imagines mener ta vie sans moi. J'ai plus qu'une balle dans le baril. Les essais, je suis plus dans ça, yeah. M'oblige pas à faire des folies pour toi. Alors dis-moi oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors dis-moi oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'ai suivi des...